Perso. Quand je rappe, c'est ma vie. Je rappe mes désirs, mes envies. Je rappe pour ne pas taper. Je rappe pour extérioriser. Je rappe toutes mes merdes. Je rappe ma démerde. En fait, quand je tape, tape, tape, c'est dans le rap, rap, rap. Si t'es rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap. Pop, pop, pop, vas-y, stop, stop, stop. Des fois, je rappe vénère, mais je peux la faire pépère. Je rappe pour les frères et sœurs, les blacks, les blancs, les beurs. Au frais, je rappe tranquille pour ma femme. Mes filles marchent avant, gentil pour que leurs yeux brillent. Je rappe violent, rageur, rageur et méchant. Quand il s'agit de l'État et de la pute dans des lois, je dis ce que je pense, je lui cause la manigance. Pour eux, pas de clémence, je veux leur sentence. Je rappe pour typer, je rappe l'égalité. Je rappe militant, je rappe alarmant. Je rappe pour méchant et je montre les dents. J'écris ma volonté d'avancer, ma volonté de changer. Que le pétrole disparaisse, qu'on soit libre de nos chefs. J'atteste, qu'on teste, manifeste, pas de l'est. Trop épaisse que je déteste, je fais qu'un seul geste. Je rappe mon troisième doigt pour Sarko et Carla. Je rappe pour qu'on puisse voir des colombes volées par centaines. Qu'on puisse croire en une paix certaine. Refrain, si je vais rapper, c'est que c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir faire passer un message engagé, pour pouvoir me soulever, pour tout renverser, pour tout faire péter. Je rappe un peu schizo, barrage dans le micro, mets d'amour sur l'écran, et ouais c'est verso. Je rappe pour la génération 87, ancien fumeur de pète. Je rappe mon vécu, je suis pas mal têtu. Je rappe pour les frères enfermés, c'est dans notre tête. Qui veulent nous toisonner, qui veulent nous pétiner. Leur illusion nous perd, faut pas qu'on se renferme. Le monde est à nous, je rappe toi, lui, elle et nous. Je rappe l'unité, je rappe la diversité. La désobéissance à l'ordre établi. La désobéissance au contrôle des queues. Je rappe le développement d'un monde parallèle. Je rappe le soulèvement qui fuck le système. Je rappe du fond de mes tripes, à ce que je peux, je m'agrippe. Je m'en rappe à ses racines, je dévirai pas de ma cible. Boum boum pa pa, paix, respect, liberté. Boum boum pa pa, justice, égalité, humanité. Stop la musique, écoute, je t'explique. J'ai une vraie liberté dans un monde de paix. Donc avec du respect, de la justice et d'égalité. C'est ça la vraie humanité, on est tous des refrains. J'rappe, j'rappe sérieux, j'rappe pour celles et ceux qui m'ont tendu la main, ceux qui ont cru en moi. J'rappe déterminé, comme on a parqué le tché. J'rappe pour la Palestine, pour ceux qu'on assassine. Pour ceux qu'on assassine, pour ceux qu'on assassine. Pour ceux qu'on assassine, pour ceux qu'on assassine. J'rappe pour Marcos et pour le Chapas. J'rappe pour mes gens, j'rappe pas pour l'argent. Et fuck les dirigeants, fuck, fuck les dirigeants. J'prostituerai pas mon rap, j'préférerais arrêter plutôt que lui donner. C'est pas ça le rap, bling bling et pétard. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça je le conçois pas, je cautionne pas tout ça. Sortirai pas de la merde pour sortir sur les ondes. Je rappe mon essence sur un feu d'ignorance. Je rappe mon essence sur leur feu d'ignorance. Sur leur feu d'ignorance.